près d'un mur que l'on croyait perdu. Un homme à genoux, et là, il pleure à côté de moi, élève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, les pieds nus aux portes des mosquées. Ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient au même instant ici n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? Noël à Jérusalem, c'est aussi l'enfant de Bethléem et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche la maison de sa nativité. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel qui vient implorer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. À table, il est 19h. L'Académie Fadjet. L'Académie Fadjet. Avec ce soir. Vas-y. Avec ce soir une très belle tablée, puisque j'ai de la gauche vers la droite, j'ai Guillaume. Bonsoir Guillaume, lui c'est le manager community comme on dit maintenant, et il est là depuis quelques mois, il est donc le manager community de la radio, et il jouera avec nous. Bonsoir Guillaume, alors on a eu du mal hein. Ah si c'est bon, je m'entends. Salut Guillaume. Bonsoir. Un petit moment, Guillaume, il était un peu en joker, et puis ça y est, il est enfin là, merci d'être avec nous. À ses côtés, on ne présente plus Davy. Davy, il était là déjà ce matin, donc il a décidé, je fais le matin, je fais le soir. Oui, voilà, c'est ça. Hein, donc Davy, c'est bien sûr la matinale du vendredi avec toute l'équipe, on embrasse toute l'équipe du vendredi, parce que eh bien, la plupart ont joué, et celui qui n'a pas joué, il jouera pour la finale, il a dit, ça sera un joker. Et Davy, c'est aussi Club Sensation le samedi de 22h à 23h. Et avec combien de radio, combien de temps de radio ici, ça fait... Oh, ça fait très longtemps. Hein, plus de 20 ans. On s'arrêtera. À ses côtés, un ancien de la radio qui participait déjà à l'Académie, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'est possible. Voilà, c'est j'ai possible. Retrouvé des messages que nous échangions sur le mail de l'Académie Fadjet où Steve me dit « Oui, je serai là, t'inquiète, hop !» Et c'était il y a 20 ans. Et bien, il revient et bien pour jouer encore 20 ans après. Bonsoir Steve. Ça va? Alors, ça rien n'a changé. Hein, je... hein ouais, ça, oui, c'est ça, ça fait 20 ans puisque j'ai commencé à peu près quand c'était les 20 ans de la radio. Et voilà. Puis là, on est déjà à 40 là. Et bah, oui. Ah, oui, c'est écrit partout. Oui, c'est marqué partout. C'est écrit partout, effectivement. Et enfin, Gaëtan. Bonsoir Gaëtan. Alors Gaëtan, c'est notre diététicien des matinales. Avec lui, il a toujours des petits tips pour nous faire bien manger. Et donc, Steve aussi faisait ça dans la matinale, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, effectivement. De formation aussi, mais génial. Mais je suis à la ramasse maintenant. Il a un peu dévié. J'ai un peu dévié, moi. Un peu dévié. Donc, bonsoir. Bonsoir Gaëtan. En forme? Bah ouais, toujours. Et tu es venu accompagner de son prénom ? C'est Justine. Justine, eh bien Justine, bienvenue à nous également, bienvenue d'être avec, merci d'être avec nous, pardon. Et tu pourras effectivement participer à cette édition. C'est l'avant-dernier, voilà, il en manque un, je me disais bien qu'il en manque un. Il y a une place. Il était en émission, pour ne rien vous cacher. Et il était un peu la guest sans être là la semaine dernière, hein, sous Hélène. Si vous étiez à l'écoute de l'Académie Fadjet la semaine dernière, il y a une question sur si on parlait de vous. Ah oui. C'est l'émission d'Yannick depuis quelques semaines. Il nous fait des portraits, des interviews un petit peu superbes, avec sa patte particulière. Il a une patte particulière. Bonsoir Yannick. Bonsoir, bonsoir, merci de m'accueillir. Avec des petites fiches, des interviews préparées qui vous emmènent là où on ne vous attend pas. Donc si vous voulez découvrir les émissions de Yannick, eh bien c'est le samedi matin à 10h, si on parlait de vous. C'est gentil, merci. Et la semaine dernière, il y avait d'ailleurs la directrice de la radio. Oui, ça c'était pour que mon émission elle puisse rester à l'antenne. Il a aussi tous les... Tu vois, il sait comment parler aux gens. Voilà, et donc oui, pour reparler de la semaine dernière, effectivement, il y a eu une question sur un de tes invités, et voilà, c'était, et on a parlé de l'application Le Samaritain, c'était il y a à peu près un mois où tu en parlais, et donc toute l'équipe avait toute l'historique, la connaissance parfaite de ce qu'était Le Samaritain, sauf que pour eux, ils s'occupaient d'animaux. Pourquoi pas? Et voilà, donc ils sont trouvés, mais au bout d'un certain temps. Et donc, pour ceux qui n'écoutaient pas. Et grâce à l'aide de Benoît. Et grâce, oui, parce que c'est, voilà. Souhélène me dit que j'aide trop, mais je pense que je vous aiderai autant que les autres, à mon avis, ce soir. Eh bien, le Bon Samaritain, c'est une appli pour sauver des gens, pour aider les gens qui seront en difficulté. Ouais, voilà, trois niveaux. On va pas refaire le match. Mais enfin, c'est ça. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Il est temps de jouer un premier disque. Et après, je vous demanderai votre nom d'équipe. Puisque pour l'instant, c'est la bande à Bruno qui était là la semaine dernière qui est en tête avec les 40 marches gravies en moins de 30 minutes. Et avant de découvrir, on écoute quel titre ? Parce que là, on a du choix, c'est-à-dire que là, à la limite, vous faites l'émission en 20 minutes, on a de quoi faire le reste avec tous les choix musicaux que l'on a ce soir. Et on n'a pas demandé à tout le monde. Et encore, on n'a pas demandé à tout le monde. On commence. Alors, avec quoi, Florent Pagny avec T'aimer encore ? Eh bien, c'est le choix de Yannick. Parfait. Et on commence donc avec Florent Pagny, Yannick. Un petit message, tu es un fan de Florent Pagny ? J'adore Florent Pagny. Ah, Florent Pagny. Vraiment, j'adore Florent Pagny, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et voilà. Ah, très belle rencontre à mon avis, c'est vrai, Florent Pagny, qui est d'ailleurs ce soir à la Star Academy d'ailleurs. Hein, si, à partir de 21h10, vous le verrez sur TF1. Voilà. Je sais pas si c'est, voilà, c'est la transition est faite. Et on écoute Florent Pagny. Je veux bien les larmes et la douleur, je veux bien les doutes, je veux bien que vivre encore me coûte. Je veux bien la laideur et l'oubli, je veux bien trembler, je veux bien ne plus pouvoir chanter. Il me reste tant de choses à dire, tant de gestes pour te faire sourire. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. Qu'elle attend de la mort. Je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Je veux voir les enfants, tes enfants dans des courses folles, et leur parler du bon temps en espagnol. Oh bon Dieu, je ne demande rien, rien qu'un peu de temps dans tes mains. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. Qu'elle attend de l'amour. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Et je reste là, oui je reste là. Je me tiens au mien, mes mains ne tremblent pas. Et je je veux t'aimer encore. Qu'elle attend de la mort, je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu. Que le diable m'ignore, je veux t'aimer encore. Ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore, je veux t'aimer encore, et je reste là pour toi. L'Académie Fadjet. Comme le disait hors antenne il y a quelques instants, Swellen, c'est l'avant-dernière édition, avant la finale. Dans 15 jours, c'est la finale. Est-ce que vous serez dans la finale dans 15 jours? On le saura dans moins de 45 minutes. Alors, quel est le nom de votre équipe, messieurs, dames? Apparemment, ils ont tous voté pour le Club D. Le Club D, le Club D pour... D comme Davy. Comme pour Davy, voilà. Donc, le Club D... aussi, hein, mais... Ça peut être aussi le club des dinosaures, mais a priori, c'est des dinosaures. C'est ça qu'on a retenu. Voilà, alors, Steve, si vous ne le connaissez pas, il fait de l'impro. Hein. Toujours, hein. Toujours, ouais. Toujours dans l'improdisiaque aussi. Toujours. Non, plus, non, non. Plus non, non t'as quitté. Comme je suis dans les Vosges maintenant, c'est... D'accord. Voilà, j'ai que l'impro, la compagnie des jolis mômes. Enfin, je suis dans différents groupes. Ouais. Ok. Mais voilà, de l'impro toujours. Il n'y a pas d'autres improvisateurs ici? Non. Non, Gaëtan, non. Hein, si un peu... Ouais. Si, hein, tu fais un peu d'impro aussi. Ouais, en privé, ouais. En privé, d'accord. Pas dans un. Bien, allez, je rappelle rapidement les règles. 40 minutes pour atteindre la 40e marche. Pour atteindre la 40e marche, c'est facile. Il suffit de répondre à des questions. 6 catégories qui rendent hommage de près ou de loin à notre station. Des questions solidarité, parce que Fadjet est un projet solidaire. Alors, on pourra retrouver des grands projets de la maison ou des actions de solidarité à travers le monde. Des questions insertion, parce que Fadjet a la mission de venir en aide à un public en difficulté, particulièrement aux jeunes. Des questions émissions, parce que Fadjet, c'est plusieurs centaines d'émissions. Des questions cuisine. Ah, ça, j'aime bien le rappeler, parce que Fadjet est aussi un lieu de convivialité qui passe par sa cuisine, ses repas passés ou présents. Alors cette catégorie abordera des questions générales liées à la cuisine, parce que dès le début ici, il y avait la radio, mais on mangeait à côté. Vous voyez, il y a toujours eu déjà ici ou là-bas une cuisine où les gens se retrouvaient pour faire des repas ensemble, et donc c'est pour ça qu'on a gardé cette catégorie. Des questions musique, bien sûr, je ne vais pas dire pourquoi, et des questions culture, parce que Fadjet, c'est aussi des partenariats avec des grands événements, le Jardin du Michel, le NJP. Alors on abordera dans cette catégorie la culture au sens large. Pour atteindre la 40e marche, l'équipe tire au sort des catégories, à minima une de chaque, et elles sont ici, et mais elle peut choisir le nombre de marches à gravir entre des marches à 1, 3, 5 et 10 marches. Vous ne pouvez utiliser les 10 marches qu'une seule fois. Voilà. Mais les autres, vous pouvez effectivement les utiliser comme vous le voulez. Arrivé à la 40e marche, l'équipe entonne une chanson finale parmi une liste. Je ne sais pas si Swellen vous a un petit peu parlé de la chanson finale. Mmh. Mais généralement, on chantonne un peu à la fin, donc il faudra vous y soustraire. Voilà. Alors, cette équipe, la bande D, non, ouais. Le Club D, le club D, après la bande à Bruno, après les Al, après les Yev de Jetfa, après la Lorénade, après les MMJ, et la première équipe, les Durs, que l'on salue, parce que ça a été dur pour eux, parce qu'ils étaient les premiers, effectivement. Et ils auraient mérité un meilleur sort, mais ils ont testé pour vous l'Académie Fadjet depuis... Tous les autres les ont écoutés et ont fait autrement. On va voir comment vous allez procéder aujourd'hui. Eh bien, Swellen, on y va. C'est parti. Je prends mes petites cartes et je vais faire... On va tirer donc la première question, la première catégorie. Allez, Justine, vas-y. Et c'est une question... Émission. Une question émission. Question émission. C'est une question sonore. Et maintenant, vous savez qu'il y a des chiffres et des lettres aussi dans l'émission. Je dis le 3 à Swellen. Et je vais poser une question. C'est pour la réponse. Hein. Attends, oui, c'est, j'ai tu le as temps. Le temps voilà. Où sévit... Est-ce qu'on a mis le chrono en route? Oui, oui. C'est bon. Parce que c'est quand même important. Par contre, oui. avant de poser la question, vous deviez choisir le nombre de marches que vous allez faire. On commence à 3, un truc gentil. Ouais, 3. Faut dire aussi que vous ne perdrez pas les points. Oui, on perd pas les points de toute façon. Allez, 3 points. Où sévit le génie de l'actu? Oh mince. Le génie de l'actu. Alors, le génie de l'actu. Alors. Donc, c'est dans une émission, hein, puisqu'on cherche une émission de Fadjet. Une émission du matin? C'est pas le vendredi. C'est pas le matin. C'est pas le vendredi. Pas le matin. C'est pas le matin. Vendredi soir, aux alentours de 17h. C'est pas le vendredi soir. Parce que. Non, mais c'est pas ça. Allez, mercredi soir. C'est pas le mercredi soir. 3 points, 3 points. On peut tous les faire. Ouais. Donc il reste. On en a déjà éliminé quelques-uns. Génie de l'actu. Alors c'est vrai qu'on regarde tous Davy parce qu'on se dit ben Davy doit savoir parce qu'il il est non. Oui bien. Bien que j'écoute pas l'émission, je connais pas toutes les rubriques non plus. Ah oh, c'est quand même assez marquant. Bon après il faut l'avoir écouté au moins une fois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ils sont passés dans l'académie déjà. Ouais, donc ils sont plusieurs déjà. Ouais c'est vrai. Voilà. Les génies un indice. De l'actu. Mais le génie il y en a qu'un. Mais ils sont plusieurs dans l'émission. Ok. C'est la voisine Anne? Non. C'est pas la voisine. Hey, Guillaume, toi qui connais absolument toutes les émissions. Ah, je connais pas toutes les émissions. Attention, c'est pas parce que je communique sur les émissions que je connais toutes les émissions. Bon, bah non, là je sèche. Bon, il y a eu des bouts de réponse qui ont été communiqués quand même. Ah. Vous avez flirté avec la réponse. Donc c'est la voisine Anne. Ça pourrait être la voisinade, ouais. Mais j'ai demandé qui est le génie de l'actu. C'est c'est facile du coup. C'est Gallone, il s'appelle, non? C'est la voisinade ou pas? Ben, j'attends une réponse. Lance-toi, Guillaume. Du coup, Gallone de la voisinade. Gallone de la voisinade? Vous validez, messieurs, dames? Oui, validons, oui. On écoute? Comment ça va les filles? Ça va bien. J'avoue que ça met une bonne humeur quand même. Voilà. Ouais, qu'est-ce qui met aussi de bonne humeur? C'est la chronique du génie de l'actu qu'on lance tout de suite. La voisinade sur Fadjet, le génie de l'actu. Voilà le génie de l'actu, Gallone. C'est donc une bonne réponse. Fallait se chauffer. En fait, en plus, le pire, c'est que je l'écoute, cette émission, du coup... Fais confiance. On en a parlé, parce que justement, ils devaient venir ici. Et donc, la voisinade est venue, ils ont fait équipe, et c'est eux, ils sont dans l'équipe de la Lorénade. Isabelle. Rodolphe et Isabelle, voilà. Donc, ça fait 3 points. Bravo. Let's go. On continue. Merci Guillaume. On peut dire merci à Guillaume. 37. Ce coup-là, allez hop. Allez. Allez Gaëtan. Allez, un truc facile. Insertion. Pourquoi quand il y a des questions insertion, solidarité, toujours ça se crispe. Question insertion. Allez. Choisir la difficulté du coup. Oui. Le point. Vu la tête du 3, on perd pas le point. Hein, non. Il faut taper fort hein, tout de suite. Hein. Direct. Vous pouvez jouer qu'une fois le 10. Hein, le 10, c'est qu'une fois. Ouais, hein, donc, 10, eh ben 5. Jouer ça, c'est une insertion sur le 10. Allez, on joue 5. Allez, et ben 29. Et c'est la question. Elle est audio. Ok. Bien sûr, je suis responsable de la communication institutionnelle et du digital. C'est un terme très très compliqué, mais qui veut juste dire en fait que, avec mon équipe, on est chargé de faire en sorte que les messages soient cohérents, pertinents, impactants et qu'ils atteignent le maximum de gens. Et nous, à Nancy, groupe local, on prend tout ce que tu nous donnes et on les habille à notre façon et on fait de la pédagogie, c'est ça? Ouais, c'est très important. La pédagogie, c'est un des leviers les plus importants qu'on a, parce qu'on traite des sujets qui sont quand même parfois un peu compliqués. Bon. Donc, se faire comprendre, c'est très très important, tu as raison. Eh bien, ravi de t'accueillir à cette radio où on est là une fois par mois. Je vois vos têtes. Donc, c'est une émission qui a lieu donc une fois par mois, comme il l'a dit. C'est une association. Je vous aide un peu. Ah. Oui, David, vas-y. Non, vas-y, parce que... Une fois par mois. C'est pas l'émission NQT ? De Quartier du Talon ? NQTI. Non, NQT. Ouais. NQT. C'est... Hein ? Non, c'est... Non, c'est... Oh, visiblement, non. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui gère ça, mais... Non. Kevin. Oui, Kevin, oui, c'est y ça. Il n'y a, y a pas d'émission, je crois. Il n'y a pas d'émission ? Non, non, non. C'est okay. Un truc à part. Ok, d'accord. Alors, comment je pourrais vous aider ? C'est un peu compliqué, ça. C'est ta voix, en plus. Mais peut-être pas du tout. Non, non, c'est pas ma voix. Là, je c'est fais pas ta voix. Okay. Je truque pas, j'ai pas truqué les questions non plus. Et, non, non, j'ai pas non, non, non, mais c'est pas moi non plus. J'en fais déjà beaucoup, donc je fais pas ça non plus, en plus. Donc, on est dans l'insertion. Hein. Je rappelle, c'est une question insertion. Mm-hmm. Donc, il y a une émission qui a lieu le week-end. Le samedi, je peux vous aider parce que là, je pense qu'ils vont avoir du mal. Le samedi, le programme. Le programme Fadjet, sur l'ordinateur. Le troisième samedi du mois à 12h30. Je peux même en disant ça, je pense que. Pas le droit au téléphone, hein, du coup. Comedy Manager, tu vas commencer quand le Community Manager là ? Il y a trois mois. Ouais, mais il y en a eu des, émissions depuis. Hein. Logiquement, trois. Hein non, attention, Gaëtan était sur son téléphone. Non. On va laisser les téléphones à l'extérieur. On joue le jeu, on regarde pas. De toute façon, là, moi, personnellement, c'est... Bon, balance-toi. Alors, donc, tu penses quoi, toi, David? Tu disais quoi? Non, mais je vois sur le programme et je sais pas le nom. Je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai pas retenu. Donc, allez, c'est une émission un peu... Si je veux faire un rébut, il y a de l'anglais dans le titre de l'émission. Insertion. Non, il y a de l'anglais. Oui. British. British, effectivement, de l'anglais, oui, British. Comment on dit... voilà, ça, je connais pas. Non, mais comment on dit bonjour? Hello. Hello. Ah, du coup, c'est Hello Oxfam. Ok, c'est une émission d'Hello Oxfam. C'est quoi la question exacte? La question exacte, c'est quoi? Quelle est l'émission? Bah, Hello Oxfam. D'accord, oui. Ça paraît logique. Bah, c'est la seule émission avec bonjour dans le titre, en anglais. C'est bizarre que ça te revient pas, et là, parce que tu dis Hello tout de suite, bah, tu oui, penses bah, Hello oui, Oxfam. Mais c'est, alors c'est que pas, là, le... C'est pas une émission sur laquelle on communique, une fois par mois, c'est pas... D'accord. Ça reste pas autant en tête que la matinale où c'est tous les jours, par exemple. Exactement. C'est ça, tu peux... Ah, Swellen, c'est bon. On l'a perdu. C'est ça. Effectivement. Attends. C'est le groupe local Oxfam de Nancy qui fait une émission sur l'actualité de la Confédération Oxfam. Et tu sais ce que veut dire Oxfam? Oh là, non. Oxford Community for Real Famine, qui a été fondée en Grande-Bretagne en 1942, qui est une organisation internationale qui fait un groupe d'organisations non gouvernementales indépendantes. Et donc, il y a une antenne sur Nancy et elle fait des émissions donc une fois par mois, le troisième samedi à midi et demi. Voilà. Bon, on va faire plus de fois 5 marches d'un coup. Pour l'instant, on est content que Guillaume soit là quand même. Community manager, on l'aide quand même. Je savais que voir les noms des émissions tous les jours, ça m'aiderait. Là, je suis choqué. Et tu vois, je suis venu le bonjour. Rien que le hello, tu vois. Bon, après, si, c'est tu. Ça, vous, ça vous disait rien? Non, pas du tout. Après, je vous dis, c'est pas, il faut tomber dessus, il faut s'y intéresser aussi. Moi, j'ai découvert plein d'émissions dans la grille. Hein. Oui, oui. Le truc de Papati, que je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le monde de Papati Aikos. Alors ça me dit rien, ça. Il y en a bien une émission aussi comme ça. Tu sais que moi j'ai le programme encore de 2013, si tu veux. Donc moi je connais des émissions de cette époque-là, mais là je suis un peu perdu. Peut-être qu'il y aura une question sur 2013, on ne sait pas. C'est vrai, ça serait chouette. On continue parce que donc, vous êtes Steve. À 3 et 8. 8. Allez, Steve, à toi. Allez, on y va, c'est parti. Et on y va sur la culture. Ah, une question culture. Voilà, facile. Une question culture. Oh là là, vous n'avez pas de bol, vous, aujourd'hui. Ah non, on ne dit pas ça. C'est des questions un peu, alors, bon. Un question... point, du coup. Ah oui, pardon, j'ai pas dit. J'ai pas dit le nombre, vous n'avez pas dit le nombre de points. Alors, 5 sur 5. Ouais, moi je pense 5, ça peut. Ouais. Allez, après peut-être que vous êtes, vous pouvez connaître. Qu'est-ce que le projet The Last Ship? Ah, c'est un bateau avec la série The Last Ship. Non, c'est pas un bateau. The Last Sheep ou The Last Ship? Genre, épelle le. The Last. Alors, S-H-I-P. Ok, Sheep. Sheep. Sheep. Last Sheep. Oui, ça se traduirait en le dernier bateau, mais. Oui, c'est vrai, c'est exact. C'est un rapport. Mais bon. C'est un projet particulier. C'est un projet particulier d'un chanteur. Voilà, voilà. D'un chanteur. Voilà. Mais j'ai déjà entendu ça. Je pense que Gaëtan, ouais, ça doit. Ouais. C'est Gaëtan Creuse. Alors. On te remet une pelle. Pas dans ton palais mental. Je me mets dans ma bulle. C'est un projet, voilà, quelqu'un qui revient sur le devant de la scène pour monter ce projet The Last Ship. Dizis ? Non. Hein ? Dizis ? Non. C'est un ancien, c'est un chanteur français? Non, non, non, non. Ah, d'accord. Alors, The Last Ship, pourquoi effectivement? Parce qu'il y a des bateaux. C'est donc il revient un peu. Il va faire un spectacle sur son enfance, sur les côtes anglaises, dont il est natif. Et donc, il va faire tout un spectacle là-dessus. Pour replonger dans sa jeunesse. Alors là je vous dis carrément le synopsis du spectacle. Hein. J'allais dire Elton John, mais non. Ça pourrait. Non. Ça pourrait, mais. Donc, du coup, c'est un bien britannique. Oui. Ah, ouais. Il vit en France. Enfin, il est britannique, mais il peut vivre en France. Là, je vous. Je sais pas son adresse. C'est quoi son adresse? J'ai pas son adresse, mais. Alors. Non, pas si. Donc, on avait quoi? On avait du Elton John. J'ai entendu autre chose aussi. Plus jeune ou moins jeune? Quelqu'un a pas dit un autre nom? Ouais, moi, je pensais Sting aussi. Ouais. Sting. Ah, ouais. Sting, ouais, pourquoi pas. Robbie Williams. Ouais, Robbie Williams aussi. Ouais. Allez. Un dernier? Ou peut-être, qui a été cité. Hein. McCartney. Ah! Alors, Gaëtan, tu as dit « Ah !» Ouais, je pense que c'est Paul McCartney, non? Ouais. Hein, parce que... Ah, il a pas l'air convaincu. Mais c'est un ancien d'ancien. Oui, la génération, là, oui, il a déjà, oui. Quelle année, à peu près, la génération? La génération de Paul McCartney, je pense. Ah bah oui, ah, oui. C'est Elton John. Ah oui, Elton John, oui. Yannick n'est pas d'accord. Je sais pas, cette génération, il a fait non, Yannick. Je reste sur Sting. Voilà. Alors, on écoute qui? On écoute Elton John? On écoute Sting? Il faut envoyer une réponse dans tous les cas. On écoute. Ça me parle ce truc, Message in a Bottle. Je vois bien. Message in a Bottle, oui, pour la mer. Bien vu. Full doute. Ouais. Ouais, mais bon. De toute façon, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner, c'est ça? Alors, le truc, c'est qu'il revient. C'est vrai. Est-ce que Sting avait arrêté? Est-ce que Paul McCartney avait arrêté? Je sais pas. Il revient. Elton John avait arrêté. Il a dit, il revient. Il revient. Ça fait un moment qu'il a pas fait grand chose, quoi. Qui ça? Qui? Ah non, mais attends. Parle de qui? Il a fallu le dire. Eh ben, alors c'est Sting, parce que Sting. Paul McCartney a refait des choses après, quand même. Et Elton John, il est dans l'actualité, c'est vrai. Ouais, mais pas Elton John. J'ai vu un titre de Aerosmith. Hein, oh non. Non, il est pas américain. Non, mais je pense que... Ouais, allez, on valide quoi? On valide Sting. On valide Sting. Allez, oui. C'est bon. Allez, on valide Sting. Arrête. C'est génial. C'est la comédie musicale de Sting sur sa jeunesse en Angleterre. Ce spectacle musical écrit et composé par Sting sera présenté pour la première fois en France et avec Sting sur la scène musicale à partir du 18 février 2026 et jusqu'au 7 mars. Il s'inspire de sa propre enfance et puise dans ses racines musicales. Sting raconte l'histoire bouleversante d'une communauté de constructeurs navals du nord-est de l'Angleterre confrontée à la fermeture de son chantier. En incarnant sur scène le rôle de Jackie White dans ce spectacle très personnel, l'artiste nous plonge dans un univers empreint d'amour, de perte et d'espoir. C'est toute sa jeunesse, donc à Newcastle, où Sting a grandi. Voilà. Incroyable. On est pas mal, hein. Ouais, en fait, bah, en fait, on a dû faire 5 depuis le départ. En fait, il a fait la promotion de son spectacle dans l'émission de Jimmy Fallon aux États-Unis. Ah. Exact. Oui, oui, exact. Et il est venu en parler. Ça m'est revenu d'un coup quand tu parlais d'Elton John. Je dis non, je crois que c'est. Voilà. Incroyable. Bah, bravo, Yannick. Sagesse des foules en action. Je pensais pas que j'aurais une bonne réponse. Ah ouais, là, tu vois, il faut pas. Bah, moi, ça fait deux fois, je pensais pas. Hein. Allez. Donc, attention. On continue. Bah, justement, Yannick, à toi. Hop. Ah bah, parfait pour moi. Cuisine. Cuisine. Question. Cuisine. Ah, elle est pas mal, celle-là. Alors, c'est l'actualité. Hein. On va voir si vous. Je sais pas. Je crois pas. Je l'ai pas entendu dans la matinale. Alors, j'étais pas forcément. C'était actualité. Dans toutes les matinales, mais peut-être que. Cyril Lignac. C'est un sacre dont il avait rêvé, mais qui lui semblait bien loin. Ce lundi 1er décembre, le Français Thibaut Gonzalez a été sacré champion du monde à Lyon face à des candidats venus du monde entier. J'ai aussi. Ah bon, on va prendre 10 points. Ouais, oui. Oui, on va prendre 10 points. Bah, non, c'est 5 du coup. Ah ouais, non. Ça n'a pas été 10, donc du coup, c'est 5. Bon, mais non. J'avoue que, effectivement, c'est de ma faute, mais tant pis. Pour la 15e, la 16e édition du Mondial, il a présenté une création qui a conquis le public, le jury, alors que le titre était détenu depuis plusieurs années par des Japonais. Oui, de quel championnat du monde s'agit-il? C'est le championnat du pâté en croûte. Bravo! Du pâté croûte d'ailleurs, du pâté croûte. Pâté croûte. Effectivement. Excellent. Les Japonais tenaient le. Ouais, ouais, ça faisait plusieurs années que c'est japonais et enfin un Français a remporté le fameux pâté croûte. Ils se sont fait dégommer dans sa boucherie. Ils ont des gens. Ah bah là, c'est sûr que là. Incroyable. Mais c'est très joli, c'est vraiment bien fait. C'est deux gouttes à l'intérieur avec, je crois, avec des morilles, je crois, et bien sûr un médaillon de foie gras. Ouais, attends, parce que j'avais la recette. J'avais la recette quelque part ici, donc effectivement. c'est je ne sais plus. C'est du. Ouais, il y a pas mal de choses dedans quand même. Bref, en tout cas, oui. Je pense que là, t'as le repas complet avec le pâté croûte là. C'est vrai. Tu prends un bout, t'es tranquille 3 jours. Hein, t'es tranquille. Allez, là, vous avez rattrapé un peu. Votre retard. Donc là, c'est 10 de plus, hein, c'est ça? Non, 5 de plus. Ah, 5 allez, allez, hop, à Divi. On aura un joker, je pense. Alors, solidarité. Il reste toujours la question. Solidarité. 10 points, du coup. Solidarité. Un petit 10, là. Ouais, non. J'ai pas vu la question non plus. T'es sûr, ouais. Mais... Oh, non, mais question. Pas forcément. Regarde la question, d'abord. Sport 10, mais pas solidarité. Enfin... Ah, il y a sport encore. Allez. Il y aura sport. Non. Oh, mais il y a pas sport. Oh, là. Ça peut être dans culture sport. Ça peut être dans culture sport. D'ailleurs, oui, là, il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde là. Oui, ça a commencé là. Ça a commencé là. Et d'autres qu'il a eu grand. Il a eu le prix de la paix de FIFA, le Trump. Hein. Bon, bref, c'est pas. On fait pas de la politique. On fait 10 points. Alors, solidarité. Fadjet, c'est solidaire. Vous êtes tous solidaires. Oui, voilà. Oui. Bon, on va compter sur toi, Guillaume. Donc voilà, c'est possible. On est à combien de points? On est à combien de points? 18. 18? Ah oui, là. Fort, hein. Allez. Allez. Allez, on tente. 10 points, c'est ça? Allez, 10 points. Allez. On tente. De toute façon, il faut bien le tenter à un moment. Oui. Allez, 10. C'est allez, fait. Je vais. On écoute. Oui, quel numéro? Pardon, 40, 41, excuse-moi. Alors, 41. Écoutez attentivement. Et quand on est étudiant, on a le temps de s'engager en plus dans une action humanitaire comme celle d'Amidjan? Eh bien, disons qu'il y a 2 années qui permettent, entre guillemets, d'avoir un peu cet engagement qui prend quand même beaucoup de temps, on va se le dire. C'est justement la 2e et 3e année. Donc après la première année qui est assez intensive, on a ces 2 années un petit peu plus calmes, on va dire, avant de remonter crescendo vers le second concours. Donc voilà, on en profite un peu justement dans ces 2 années pour faire un maximum de choses à côté. Alors parlez-nous de cette association Amidjan que j'ai rapidement évoquée. L'objectif de cette association, dites-nous tout. Alors donc nous, on est en lien avec un centre d'accueil au Bénin qui s'appelle La Providence. Et donc notre but premier, c'est de subventionner cet orphelinat sur tout ce qui est frais alimentaires, scolaires, médicales, sanitaires. On prend en charge vraiment tous leurs besoins pour le faire fonctionner du mieux possible. Donc ça, c'est notre but premier. Mmh. Et ensuite, chaque année, on a également une liste de projets que ce soit sur le centre d'accueil, plutôt de rénovation, de construction, ou que ce soit sur la ville de Locosa. Cette année, par exemple, on avait fait construire 2 salles de classe dans la commune de Locosa. Chaque année, voilà, on a une liste de projets en fait, qui sont mis en place en fonction des besoins qu'on a identifiés quand on y va l'année passée. Chaque année, on développe tous ces projets. On envoie également un conteneur de matériel. Exceptionnellement, cette année, il n'aura pas lieu. Mais autrement, chaque année, on envoie voilà, du matériel qu'on récolte tout au long de l'année en France. Voilà. Alors, le nom de l'émission ? Non, non, je le demande. Quelle étude font Camille et Iris ? C'est quoi cette question de fou ? Ah bah si, elle est vachement importante, cette question. Parce que quand j'ai écouté cette interview, je me suis dit, c'est pas possible qu'on arrive à faire ça pendant ces études-là. C'est des études de médecine. Des études de médecine ? Attends. Des études. C'est paramédical ou c'est médical ? C'est complexe comme. Je pense que par rapport au programme médecine. Tu t'attendais à quoi ? Comment s'appelle l'association ? Ils l'ont dit ? Comment s'appelle l'association ? Amidjan. C'est l'association Amidjan. C'est. Oui. J'ai fait un article dessus. Parce que j'ai connu une association il y a longtemps, mais c'était des orthophonistes qui faisaient ça. Et c'est Amidjan, ça existe depuis longtemps. Donc. Je sais pas si c'était Amidjan, mais c'était. C'est une association. Oui, parce que c'est. Je ne sais pas si c'est un Amidjan, parce qu'on a eu une ancienne de Fadjet qui est Sophie Lutringer, qui était donc en étude d'orthophonie. Ouais. Et ils avaient une association et on faisait des soirées justement au Clou pour cette association. Voilà. Alors, est-ce que c'est un lien ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. C'est loin. Hein. Ça a été dit. Hein. Vous avez donné la réponse. Quelqu'un d'entre vous a donné la réponse. Il faut choisir donc la. Il n'y a pas eu 50 réponses. Oui, il n'y a pas eu 50 réponses. Il y a eu médecine, il y a eu orthophonie. Ouais. Bon, c'est pareil. Ah. Parce que si tu parles de difficultés de programme d'études, ouais. Faire quelque chose. Alors maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes hein, qui font des choses à côté de la médecine. Donc c'est que ça ne doit plus être si dur que ça, visiblement. Mais... Ouais, ouais. Effectivement, c'est des études de médecine, c'est ça. Allez. C'est mais parce que franchement, moi, c'est 10. Et je l'ai rencontré sur le marché du monde solidaire et je lui ai reparlé de cela parce que je dis ça m'a vraiment marqué parce que dans cette interview. Tout ce que vous faites en parallèle d'études de médecine, on a l'impression, mais effectivement, il y a un petit creux. C'est pour ça qu'elle a dit à partir de la deuxième année, la deuxième et la troisième année. Ah. Donc, il y a vraiment une première année très difficile en médecine. Et alors, apparemment, la deuxième et la troisième année, ça peut permettre. Ouais, ça refait à partir de la quatrième chose, jusqu'à la septième. Quand ils évoquaient les passages de concours et choses comme ça. Donc, mais voilà, donc, c'est une bonne réponse. Merci. Donc, chacun, hein, pour l'instant. Bravo, Gaëtan. Sans faute. Oui, il y a que des vies. Steve a eu le pâté croûte. Yannick a un petit. Sur les points, vous êtes à 28 points et il vous reste 16 minutes. Eh. Oh. On est pas mal. Il faut faire combien ? 40 ? 40. Oh oui. Ah, ça va. Okay. Et alors, il reste. Faire contre rond ou bien si on dépasse, ça va. Bah, non. Non, il faut un compte pile. Vous aurez 2 questions à 1 point du coup. Voilà. Okay. Ah. Ok, ok. Okay. Alors, parce que là, oui. On reste sur 5 là du coup. Donc du coup. Là, 5... ils ont joué la méthode équipe 1. Hein. Ils ont fait la méthode 1, ouais. Tous les autres, ils ont fait 5 points tout. Et alors, question musique, c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Question musique. Question musique. Oui, on part sur 5. Allez, ça peut aller vite pour rattraper du temps là. Qui sont Rumi, Mira et Zoé ? Oh, trop ça, facile. Connais, ça, c'est sûr. C'est seule question que je sais. C'est sûr. C'est quoi comme catégorie de questions ? Parce que musique. Musique. Ils sont venus à la radio ? Rumi. J'aurais bien aimé. Répète. Rumi. Alors j'espère que je prononce. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Oui. Rumi, Mira et Zoé. C'est un trio déjà. C'est un trio. Bien. Donc c'est pas Trio Mandili parce que moi je les adore, mais c'est pas elle. Non. Donc c'est 3 filles. C'est 3 filles. Aliji, elle non? Aliji. Alors c'est musique, mais c'est aussi. Enfin c'est pas une série, c'est. On peut voir ça à la télé. On peut voir ça à la télé aussi, mais oui c'est quand même. Version dessin animé. C'est quand même. Alors là tu les aides, c'est toi qui les aides. Version dessin animé. Ouais, allez, vous êtes, qui écoute le Hot 40 ici depuis 40 ans presque ? Elle est dedans ? Eh ben, Rumi, Mira et Zoé ont été très longtemps numéro 1. C'est Rumi qui parle. C'est pas récent ? Si ? Il n'y a pas longtemps. Là, ils sont, ils sont deuxièmes, là. Les gamins en raffolent. Ouais. Du top 40. C'est si vieux que ça? Non. Untrix, il est actuellement récent. Numéro 2 du Hot 40. Untrix. Et c'est Untrix. Ouais. Le groupe K-pop là. Untrix. Qui passe à la. Non, c'est pas. C'est pas ça. C'est pas les Total Spice. Non. Mais non. Je pensais aux Wings, mais ça n'a rien à voir. C'est pas et là, c'est dans le deuxième du top 40. Du Hot 40, ouais. Dans le classement de la station et un peu partout dans le monde entier. Oui. Il y a la réponse a été donnée. Hein. Ah oui. Ouais. Untrix. Ouais. Je dirais. Et c'est un dessin animé? Bah c'est. Il y a un épisode. C'est quoi Untrix? C'est Untrix. Et bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien le groupe Untrix. C'est trois filles. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous connaissez ça quand même. Dis, tu connais ça? Bah oui, j'aime bien ce morceau. Mais c'est fou. Bon, ça, c'est la version française. Bah, c'est bien oui, qu'on. C'est la version française, mais c'est bah, brillé. Attends, mais... je vais écouter. Parce que je connais la version anglaise. Mais c'est quoi? Dans le silence depuis l'enfant. Mais bon, ça c'est la version française. Hein. Je me cache. Est-ce que. Je m'efface. Ça s'appelle Golden. Ah ouais. De la capa. Oui, c'est un groupe est-ce de capa. Ça vient de Demon Machin Hunter. Oui, c'est ça. Les Demon. La série Netflix. Les... Oui, c'est ça, c'est la série Netflix. Les poupées vampires, hein. Non. Putain, mais je suis largué. J'ai pourtant une fille de 9 ans, mais je. Les gamins, elles adorent ça. Une des séries les plus vues sur Netflix, là. Si tu le demanderas, tu connais Remy, Mira et Zoé, je suis sûr qu'elle va te répondre. Avec les cheveux violets, là. Ok. C'est le refrain. Ok. Ouais, mais je connais du coup là. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, cette équipe. Ah, des vitres Puis là, ça part fort là. Le club D en forme. Cette équipe est complémentaire. Équipe est complémentaire. Donc là, on est 28 plus 5, c'est ça? Ouais, bah encore 5 points et puis on arrive bientôt. 33. Allez, donc on refait un tour. Allez, hop. La main qui gagne. Stine. Eh bien, on va parler de musique. Très bien. C'est bon? De la filée. Question musique. Ah, c'est de l'actu aussi, ça. Ça peut aller vite. Je regarde Davy, là. C'est à mon avis, ça, il le sait. Hein. Actu musique, me posez pas la question. Je sais pas. Quel est l'artiste le plus streamé Gims. En 2025? Eh ben, Ayak Akamura. Ah non, c'est Jul, pardon. C'est Jul. Le plus streamé? Ouais, Jul. Le plus streamé. Depuis 4 ou 5 ans, je crois. C'est Jul. Je crois que c'est Ayak Akamura. J'ai entendu ça ce matin sur BFM TV. Jul. Jul, parce que là il sort un album avec 2 heures de musique. Ah moi, moi j'aurais dit Guetta, mais après ça c'était pas dans les streams, mais ça c'est Jul, t'es sûr? C'est sûr. Moi je dirais Aya. Ah attention. Non pas Aya. Ah vraiment c'est Jul. On cherchait pas les gars, c'est sûr c'est Jul. Ah ouais, le stream. Je l'ai entendu ce matin sur BFM TV. Ah, Justine acquiesce, hein. Je sais pas ouais, si c'est de Jul. Ouais non mais bon. Non mais pas Jul, du c'est tout. C'est bien celui qui chante ouais. sur un scooter là où ouais, ouais, ouais, moi, j'ai entendu ça, la semaine dernière. Donc OK. Ça change promis. Ah bah alors vas-y hein. Ça change toutes les semaines. Alors vous validez Jul? Ouais, et puis là il est avec Gims là en ce moment là. D'accord. Force Blanche. On va voir, on a l'artiste le plus streamé. Je t'ai vu pour la deuxième fois. Ah, c'est Théodora. Non. Mais non. Sur une vue où on voit tout Marseille. C'est Jul. C'est Jul en version Kenji. Voilà. Ah, Jul en Kenji, tu vois. T'as pas l'habitude de l'entendre avec sa vraie voix. Ouais, l'habitude de l'entendre tout court, en fait. Tu chantes pas d'habitude. Dans le top 5, il y a 3 fois, je crois. Ouais, il est imbattable. Putain, je vais parier sur Davy, mais non, c'est Yannick, deuxième bonne réponse. Toi, Yannick, hey. Faut avoir confiance. Musique, Yannick, il... pas mal. Il envoie. Ah oui, il envoie. Ouais. Donc, alors pas de Jul. Hein. Bah, j'ai pris celle qui me faisait le plus rigoler. Non, mais version Kenji, c'est pas mal. Hein. Version Kenji, c'est. Alors, on va pas. Il y a énormément de fans de Jul qui sont potentiellement à l'écoute, donc on va. Voilà. Il y a une mise à jour entre temps, donc. Donc effectivement, c'est l'artiste le plus streamé. Puis après, évidemment, vous avez un peu de Gims hein, quand même, parce que avec tout ce qu'il a sorti aujourd'hui cette année, c'est vraiment. En tout cas, voilà, tu as raison. Incroyable. En plus, il a tout dit. Hein, il a tout dit. La sortie de l'album. Il faut savoir que Gims toute l'année sur les ondes, t'as au moins 2 à 3 chansons différentes qui tournent en boucle sur toutes les ondes. Hein. Il a sorti quasiment trop fort. Et avec tout le monde et tous les styles. Il est trop fort. Le mec est trop fort, c'est tout. Allez, 19h44 minutes. On est il à combien en points? 2 points et 10 minutes. On est donc à 38. Allez, Gaëtan, Peut-être la avant dernière. Et jeudi. Il reste 2 points. Ah oui, 2 points. Mais il y a pas de question. Ah bah il y a pas de question à 2 points, c'est vrai. Et jeudi cuisine. Ah. Pâté à croûte. Question. Les frites. Ah, elle est pas mal aussi celle-là. Ok, vas-y. Mais ça va être les avis vont être partagés. Quel est le dessert préféré des Français? Bim. Ah, le dessert. Wow. Un dessert commun de la vie de tous les jours, oui, ou un dessert particulier? C'est l'île flottante. Danette. Ouais. C'est l'île flottante. Non. Alors on a l'île flottante ici. On fait un tour de table et je vous dirai après s'il y en a une. La crème brûlée. Alors on a la crème brûlée ici, une île flottante ici. Gaëtan. Ah, moi je dis. Quel est ton dessert? On va faire comme ça. Quel est ton dessert préféré? Honnêtement. Un petit carré. Le martien, le skir? Non. Ah bah oui. Non, pas du tout. Je dirais, je peux demander à Justine. Un fruit? Qu'est-ce que j'aime le plus en termes de dessert sucré? Une compote de pommes. Ouais, la panna cotta. D'accord. Une panna cotta. Donc, non, Steve, t'as dit. Non, toi, t'as dit l'île flottante. Yannick, attention, Yannick, on mise sur Yannick. Yannick, qui peut-être cuisine, on ne sait pas. Ouais, va se révéler en cuisine. Un tiramisu. Ah oui. Ouais. Ah, il y a moins tiramisu. Non, mais on n'est pas en Italie. J'avais la même pensée qu'Yannick. Ah. Ouais, mais le yaourt. Ouais, non, mais c'est le plus. Mais c'est le truc commun, c'est ça que je voulais savoir. J'ai dit d'année. Au resto ou pas, mais si tu vas au resto, par exemple, si tu regardes. Alors, après, je. Oui? Non, mais j'avais dit crème brûlée. Et crème brûlée. Je suis d'accord pour yaourt, vu que j'ai dit Danette au début. Quand on va dans un resto lambda depuis 30 ans en arrière, dans toutes les cartes, il y a l'île flottante. Il y a l'île flottante et la d'accord. Crème brûlée. Et la crème brûlée, je pense. Ouais, il y a les glaces. Allez, on s'arrête là, on refait un tour, hein, parce qu'il n'est pas dans les flancs, dans les cités. Tarte au flanc. Non, mais là, c'était pas dans celui-là. Hein. Donc on refait un tour. C'est vrai ? Deuxième dessert. C'était pas le fondant au chocolat. Le fondant au chocolat. Ah ouais, le fondant, j'avoue. C'est drôle, je pensais jamais faire autant avec cette question. On n'a pas parlé tarte, mais c'est forcément la tarte à la brimbelle. Mais ça, c'est que pour les Vosgiens, je pense. Une tarte. Ah, la tarte aux pommes. La tarte tatin, peut-être. Ouais. Pomme. Tarte au flan. Tarte au flan. Ah oui, d'accord. Ouais, tarte de flan. Je dirais la glace. La glace. C'est quand même incroyable. Crêpe Suzette. La quoi? Crêpe. La crêpe Suzette. Est-ce que c'est un dessert ou le goûter? Tu vois, c'est ce qu'il faut se dire. Alors. Là, il y a toujours rien. Restaurant ou pas restaurant? Eh voilà, c'est ça. Resto ou pas resto? Là. C'est pas resto. Les crêpes, ça colle. Il y a. La réponse a été. La mousse au chocolat. Ah bah le fondant. Il y a le fondant, il y a la crêpe. Le fondant ou le flan? Le fondant, ça m'a l'air pas trop mal en vrai. Fondant choc ou le flan? Choc. La tarte tatin. Resto ou pas resto, Benoît? Réfléchir. Non. Un sondage qui a été fait auprès de Français, quel est votre dessert préféré? Donc au resto, pas au resto. La crêpe au sucre. Je me demande si j'ai pas entendu ça il y a pas longtemps, cette histoire de tarte tatin. J'ai entendu. Je suis. Parce que si elle est venue, c'est pas pour rien. Alors, si vous voulez. Oui, la tarte, c'est chez nous. En Grand Est. La réponse, voyons. En Grand Est, c'est la tarte. C'est les tartes. Dans le Grand Est, nous, on est fidèles aux tartes. Mais là, on parle de la France en général. Et la France n'est pas comme le Grand Est. Ouais, mais c'est sûr, le chocolat, c'est addictif. Tout le monde aime le chocolat. Alors, il y a le fondant au chocolat dans deux autres régions, mais c'est pas. Voilà. Et tout le reste, ils ont autre chose. Je pense que c'est le flan. C'est raté, c'est tout. Ouais. Donc, il y en a deux régions qui sont au fondant au chocolat. Si on regarde dans les régions. Il y a nous qui sommes à la tarte et tous les autres qui sont à la. Glace, moi je dirais. C'est la glace, oui. La glace est partout. C'est donc. Ouais. C'est la crêpe. Non. C'est pas la crêpe. C'est pas un dessert, la crêpe. Ils l'ont dit, Benoît ? Mais oui, ils l'ont dit. D'accord. Bien sûr, c'est un dessert, la crêpe. Enfin, quand c'est à la carte, dans un resto, c'est dans les desserts, c'est pas dans les entrées. Il y en a pas beaucoup qui la font, la carte. Ouais, en Bretagne ? Non, oui. Allez, on va. Donnez-moi une réponse, là. Il faut enchaîner. De toute façon, il faut y aller parce que le temps passe. Ah oui, il nous reste 5 minutes. Allez, on dit la crêpe, de toute façon. Il dit la crêpe. Allez, vas-y. Bah oui, la crêpe. Ouais. Eh ben allez. C'est incroyable. Non, bien joué pour un point. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'il nous reste quoi ? Il nous reste 5 minutes et 1 point. Et 1 point. Eh ben, OK, allez, c'est parti. Allez hop. 5 minutes ? 5 minutes 30, on va. Allez, on pinaille pas, on y va. Hein. Allez, si on échoue, on enchaîne. Allez, Steve. Allez. Sans doute la dernière question. Émission. Aïe. Émission. Et ce serait un. Ah non, mince, pardon. C'était pas question ça. Question musique. Mauvais jingle. Non. Faire deux questions si ça passe. Question. Émission. Allez. Donc, la question, c'est de quel générique s'agit-il ? Vas-y. Numéro ? C'est 8. Alors, 8. J'espère que c'est Manu étudiant. Question, hein, attention. Hein. Attends, la lettre Q, parce que le R, c'est la réponse. Oui, c'est bon, je l'ai. Allez, de quel générique s'agit-il ? Ah, c'est pas une émission sur le fado, ça ? C'est... Non ? Ça existe encore ? Ou c'est une ancienne émission ? Enfin, elle existait. Une émission sur le fado. J'allais dire, elle existait à ton époque. Mais elle existait. C'est ça, oui, c'est ça. Peut-être oui, dans les. C'était le samedi matin, c'était une émission sur le fado, je crois. Et c'était pas le samedi matin. Ah, mais c'est pas forcément une émission sur le fado. Ah, autant pour moi. Ah oui, c'était une émission sur le Portugal. Ah non. Ah, mais c'est là, pas, c'est pas une musique portugaise. C'est pas ça. C'est pas celle-là que tu. C'est pas celle-là. Mais comment ça s'appelait ça ? Tu te rappelles ? On a plus de temps là, ça passe. Moi, j'ai fado, il faut nous faire des points là. Ouais, fado. Il y avait. Qui t'a donné une mauvaise réponse ? On donne et puis on continue. Tu te souviens pas du coup le fado ? C'est une émission qui est actuellement diffusée ? Qui est actuellement diffusée depuis très très longtemps. Très très très longtemps. Oh, je dirais bien une vingtaine d'années hein, au moins. Ah oui ? Oh, je ne connais pas. Ah d'accord. C'est le dimanche. Vous avez une idée ? Si on n'a pas d'idée, on passe. Quel âge a l'animateur ? C'est pas le dimanche. Oh, bah, l'animateur, il est... Oh là. Il est plus jeune que ta fille peut-être. Je ne sais pas quel âge a ta fille, mais dans ses eaux là au moins. Il doit avoir ouais, une douzaine, 10-12 ans, 12 ans, ah. Oui, l'animatrice. Pardon. Oui, c'est à 10h le dimanche. Ah oui, je l'ai entendu, c'est sûr, c'est des gosses qui payent. Ouais. C'est des gosses, et il y a même leur grand-père qui est en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Ils en ont parlé la semaine dernière. Oui, ils en ont un, oui. Enfin, parce que l'autre... Ah, bah, là, c'est bon, on se rapproche. Ah, c'est ça, on s'appelle. C'est le moment où tu te dis le nom, maintenant. Oui. Il y a deux émissions, une fois sur deux, et là c'est une des émissions. Alors la première, l'autre émission c'est la cerise sur le kento. Ah, et donc l'autre s'appelle la cerise sur le canto. Oui, la cerise sur le canto. Je dis kento, canto. Ah, et l'autre c'est Patchwork. C'est pas Patchwork. Allez, Patchwork. Patchwork. On vérifie. Ouais, c'est bien. Bim. Vous êtes bien sur Radio Fadjet Nancy 94.2. Xavier à la technique, Anaïs dans votre compagnie pour vous présenter Patchwork numéro 149 à l'écoute des musiques du monde. La programmation de ce jour comprend un nouveau voyage musical. Cette émission est super parce que c'était leur grand-père qui faisait l'émission avant. Et une balade évoquant. Et quand il est parti, et ben, quand il nous a quittés, ils ont repris. D'accord. Ils ont repris la suite et je trouve que c'est une très très belle histoire. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Voilà, c'est exactement. Et c'est sur une petite question comme ça de très beau générique. Et là, on est donc au 40. Ah. C'est ça. On est au 40 points. Avec un sans faute. Aïe, aïe, le premier aïe, aïe, sans faute. Aïe, aïe. Oh, les stratèges. Magnifique. C'est pas beau, ça. Sans faute. Sans faute. Voilà. Sans faute, oui. J'étais sans tellement faute. Pessimiste en plus. C'est pas possible. Sans faute. Sans faute. Mais au niveau du temps. Mais au niveau du temps, par contre. Vous n'irez pas en finale. Non, comment ça au niveau du temps ? Parce qu'au niveau du temps, il fallait faire 26 minutes. Ah. Et là, vous avez fait combien ? J'ai pas encore fait mon calcul. Ah ouais, mais alors déjà, on nous piège sur les 10 il points reste... qu'on n'a pas. Voilà. Et non, on n'a pas un bonus. Un moins 5 minutes, non ? Non. Oh, non, triche pas. Question bonus. C'est quand même le seul sans faute de l'émission. Je pense qu'on mérite au moins un petit truc quand même. Hein. Oui, bah on verra. La petite finale. On verra dans quel la petite finale. Ouais. Pour cette troisième place. Allez, on va écouter une petite musique avant de vous entendre chanter, parce que maintenant c'est à vous de chanter, hein, comme le veut la tradition. Un autre choix musical, parce que du coup il y avait plein de choix, mais là on n'a plus trop de temps. Non, alors on ça sera Jérémy Frérot avec ou sans. Avec ou sans. Bah, c'est le choix de Gaëtan. Voilà, avec ou sans. On n'écoutera pas, les beaux choix de Steven qui c'était pas mal. Hein. Mais bon, c'est grave. J'ai pris le premier qui est venu, désolé. Non, mais c'est pas grave. Allez, Jérémy Frérot avec ou sans. Des jours où l'on comprend que tout ira plus mal que la veille. Des jours où l'on apprend, y a des jours sentiments mais sans plaisir. Des jours où l'on voudrait partir, sentir un peu d'amour et de douceur. Ces jours, je les connais par cœur. Y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête. Y a des jours sans qui deviendront peut-être. Des jours comme on l'entend. Y a des jours sans et des jours qu'on aime. Des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes. On devient plus grand, avec ou sans, ce sera la même, avec ou sans, ce sera la même, Y a des jours où tout est possible, où tout devient facile, des jours avec une bonne étoile, où rien ne pourra finir mal, des jours avec mes deux gamins, à plus penser à rien. Des dimanches matins, des matins plaisir, où on pourra dire y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête, y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend. Y a des jours sans et des jours qu'on aime, des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes on devient plus grand. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Et si le monde est beau, et si le monde est grand. L'Académie Fadjet. Passé de 55 minutes dans 5 minutes, le haut de 40 avec Bibi. Mais en attendant, on termine l'émission avec la chanson finale. Ils ont choisi Gims, un classique. On en parlait tout à l'heure. Ils auraient voulu Jul, mais on n'avait pas. Ça aurait été sympa qu'il y a du Jul. À l'heure, un scooter. Allez, voici la chanson de Gims, la chanson Ciel, qui avait été choisie par il y a 15 jours ou 3 semaines par une équipe également. C'était pas au tout début. Il faut être synchro. Allez, c'est parti, on y va. Il sera là pour nous aider ou... L'Académie Fadjet, la chanson finale. Zoom, zoom. Voilà. Zoom, zoom. Mais attends, mais juste... Faites-le. Zoom, pas zoom. Trop, c'était ça. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Ciel, tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oh oui. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour le faux. Bah alors les galères en fait, le cours des choses. Suivi ton âme au fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse les siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oh oui, Azonto. Voilà, il est presque 20h. Merci, merci. Vous pouvez vous applaudir, c'était vraiment... Bravo. Magnifique. Bravo. Duo, du coup. Magnifique. Oui, Gaëtan a... J'ai pas compris les paroles. C'est quoi un Ferrari vert? Eh ben, c'est une voiture. C'est une verte. Voiture. Un Ferrari, tu sais, c'est un Ferrari. Hein, j'en comprends plus. Il y a un Clio, il y a un BM, il y a un Ferrari. Je suis perdu. C'est donc la bande à Bruno qui est toujours en tête et on... Bruno, notre Bruno. Le Bruno, ah, va le Bruno, le Bruno. Bruno. C'est votre Bruno. Chier, qui... celui-là. vous réglerez vos comptes mardi. Ouais, ouais. Vous réglerez mon compte mardi. La bande à Bruno est donc en tête. Donc, sous mais, Hélène. Ce qui était jusqu'à maintenant, à chaque fois la dernière équipe oui, était première. Là, c'est fini. On a conjuré le sort de la dernière équipe qui était toujours en tête. Donc, Bruno, si tu nous écoutes, je peux officiellement t'annoncer que tu es en finale. La bande à Bruno est en finale, puisqu'il ne reste plus qu'une seule équipe, et c'est seulement potentiellement l'équipe de la semaine prochaine qui pourra aller en finale. La pression est énorme sur la directrice qui sera la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Avec Saint-Nicolas. Avec Saint-Nicolas en personne. Oh là là là. C'est la bande à Saint-Nic. Demain. Bah, allez. C'est l'équipe de la direction. Prochaine. C'est la direction. Ouais. Si, ça s'appelle pas la semaine prochaine, la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous. On a passé merci une très toi, très bonne une soirée avec vous. M'assure, vous revenez dans 15 jours. Hein, vous pourrez jouer aussi. Hein. Oui. Ça sera très participatif dans 15 jours. On fera participer tout le monde. Et vous pourrez vous mettre dans des équipes. On va reformer des équipes. Ça sera une belle soirée. Top des Forever. Merci, on vous retrouve dans vos émissions respectives le mardi. Tu es là mardi ? Oui, je suis là mardi. Et ben on t'écoutera mardi. Demain, on aura, on verra. Émission et si on parle de vous, Davy, demain soir. Et puis Sylvie, dans 15 jours. Si je peux, je viendrai. J'espère. Le 18 au soir. Rediffusé le vendredi 19, tout à fait. Et bien, merci à vous. Il est 20h, c'est l'heure du Hot 40. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et très bonne fête de Saint-Nicolas. Ciao. Bye bye. Fadjet. Une radio locale citoyenne.